bien aimée, fuyons-nous deux sous la ramée, au fond du bois silencieux, au fond du bois silencieux. La nuit sur nous étend ses voiles, et tes beaux yeux font faire pâlir les étoiles au sein des cieux. Sur nous étend ses voiles.